Ah. Bonjour, je m'appelle Virginie Rosé. Alors, ça s'écrit R-O-Z-E accent aigu E. J'ai 18 ans et je suis étudiante. Je suis française, j'aime le théâtre et la musique. Bon, j'adore la musique. B. Salut, je m'appelle Sergio González. C'est Serge en français. Je suis espagnol et j'apprends le français pour connaître la culture française. Mon numéro de téléphone, c'est le 01 45 81 75 12. C. Bonjour, je m'appelle Paulo, je suis brésilien, j'aime les voyages, la cuisine, le vin. En Europe, je connais bien la Suisse, l'Italie et l'Autriche. Mon adresse électronique est paulosilva@web.rp.